Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté. Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs. Égalité. Personne n'a du pouvoir sur personne. Fraternité. Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs. La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie. C'est Laurent, bonjour. Donc vous êtes... Ah non, c'est... Idiot. Ça marche à l'envers. Bon, est-ce que tu peux te présenter un peu au départ? Voilà, donc je m'appelle Philippe Hubot. Ça fait 3 ans que je suis ici employé à la bibliothèque d'Ixel pour m'occuper de l'espace public numérique. Et avant ça, j'ai fait un tas de métiers, on va dire, dans l'audiovisuel, notamment le montage, dans le milieu associatif, dans le milieu public, dans le milieu privé, prise de vue, voilà, avec chaque fois essayer de trouver une dimension humaine. Et notamment, tu t'es pas mal impliqué, par exemple, dans le logiciel libre. Comment t'es arrivé à ça? Alors, il y a une quinzaine d'années, le groupe BXLUG est venu s'installer au bout de ma rue. C'était déjà un premier incitant. Et au-delà de ça, c'est aussi dans un certain réseau alternatif bruxellois. Je pense que c'est un ami d'une amie qui était d'origine américaine, Amérique du Sud. Et je pense qu'il y a un vrai développement du logiciel libre en Amérique du Sud. Et ça fait déjà à peu près 15 ans. Lui travaillait sous Linux chez lui. Et il m'a dit, tiens, viens voir un peu, ça marche bien. Ok, puis suite à ça, c'est par des rencontres et puis le fait de se dire, tiens, ça a l'air d'être un peu une alternative. Des logiciels propriétaires à laquelle on s'est peut-être un peu trop habitué et où on commence à trouver beaucoup d'inconvénients. Écoute, ici, on est dans un EPN, donc le tien. Comment est-ce que tu as... J'imagine que tu as introduit le logiciel libre ici, et comment tu l'as fait, et qu'est-ce que ça a donné, quel retour tu as eu à ce niveau-là? Ok, alors c'est un peu un coup de poker ici, dans le sens où c'est, on va dire, par plusieurs... Il y a plusieurs niveaux d'approche, on va dire, plusieurs étapes. La première étape, c'était donc... il y a une dizaine d'années, donc je travaille dans le multimédia, dans une association, et j'ai commencé à travailler de plus en plus avec du libre, notamment en quittant Photoshop, voilà, avec GIMP, que je trouvais assez intéressant, au-delà évidemment de LibreOffice ou Firefox. Hein. Et donc c'est petit à petit l'idée de rendre ça accessible au niveau de la transmission du savoir. Et ça c'est un moteur très, très excitant en fait. Voilà, on se dit qu'on peut peut-être avoir un outil souple qui va se développer et qui va proposer au public une série d'avantages. Et donc ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai commencé à travailler dans une autre bibliothèque à l'ouest de Bruxelles où j'étais mi-temps. Mmh. Et là, c'était vraiment... la directrice était quelqu'un qui avait déjà compris plusieurs choses. On avait déjà travaillé ensemble sur des produits audiovisuels et puis elle avait un parc informatique vieillissant qui était bien pourri, quoi. Ouais. Avec beaucoup de virus, beaucoup de problèmes et elle était à deux doigts de tout changer. Et en travaillant avec elle, elle cherchait un informaticien pour gérer cet espace public numérique. Et j'ai postulé, mais on m'a réfléchi, elle et moi, au profil. Et moi, je lui ai dit, écoute, on va faire des économies, tu vas garder ton parc informatique, des machines qui datent de 2010, et on va simplement installer Linux, et tu vas redoubler la vie de tes machines. Et donc, elle m'a fait confiance, et on a pu travailler avec Jean-Sébastien, qui travaille à l'ULB également, qui est venu m'aider, et là on a développé un système très très au point. Lui, il contrôle à distance, les machines se réactualisent automatiquement. Il y a un profil qui est dupliqué sur toutes les bécanes et il a créé aussi un serveur central. Enfin, on a vraiment amené de la stabilité avec une offre logicielle multimédia très cohérente. Et donc, suite à ça, j'ai pu m'appuyer là-dessus, sur cette expérience, pour un an plus tard vendre mes services ici. Et comme j'avais déjà un pied dans le milieu des bibliothèques, j'ai dit à ma directrice ici, qui est quelqu'un qui fait confiance, qui est très ouverte, je lui ai dit, voilà, je postule, tu vois mes compétences, j'ai une trentaine d'années là, derrière moi de métier, dans le multimédia, mais aujourd'hui, j'ai besoin de cette dimension libre, et je viens si je peux mettre Linux, sinon je ne viens pas. Mm-hmm. Donc c'était un peu qui était doux, et elle m'a fait confiance. Entre les bibliothèques et logiciels libres, il y a quand même une notion de partage qui est très forte. Comment tu la retrouves? Comment tu allies les deux? Voilà, donc on peut parler de Wikipédia, évidemment, que tout le monde connaît. C'est un peu l'esprit wikipédien, quelque part, dans l'idée du partage du savoir et ressources Creative Commons. Pour moi, c'est un vrai engagement dans le service public qui me tient à cœur. C'est-à-dire, le citoyen paye déjà pas mal d'impôts, et donc plutôt que d'enrichir des multinationales éloignées qui éludent de l'impôt, on préfère forcément engager des emplois, donc engager des informaticiens par exemple, ou des gens qui vont faire de la maintenance. Ça, c'est un peu l'argument pour moi qui est très cohérent, avec du coup un salaire qui est payé, des impôts qui sont payés, et une technologie qui est réappropriée aussi en local, plutôt que d'attendre le patch correctif de Adobe, de Microsoft, de Apple. On va plutôt se dire, on a l'outil, on peut ouvrir le capot, mettre ses mains dans le cambouis, comme on dit, et trouver... Enfin, quand je dis ça, c'est pas moi, parce que je suis pas codeur. Par contre, voilà, je suis un utilisateur un peu pointu, enfin j'espère, mais qui aime bien aller sur le terrain avec ces outils-là pour transmettre l'idée du multimédia vers le citoyen. Parce qu'aujourd'hui, je fais le pari, par exemple, un chercheur d'emploi, si c'est utiliser un traitement de texte, c'est bien. Si c'est utiliser un tableur, c'est bien. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Je pense que quelqu'un qui peut un peu maîtriser son image en termes de prise de vue, photographique, vidéo, petite émission radio, une affiche, une vidéo qui va pouvoir monter aussi, s'il peut le faire, il y aura un peu plus peut-être la main sur son image et qui pourra donc du coup un petit peu mieux se vendre. C'est un peu employé ce mot-là. Et comment ça s'est passé en fait le rapport entre logiciel libre et la bibliothèque ici? Comment tu l'as les gens, ils étaient déjà sous Windows, ils étaient déjà sous Linux, la transition, elle s'est passée comment? Alors ma chance, c'est que le service informatique de l'époque, parce que malheureusement il change un peu, était très orienté libre au niveau des serveurs communaux, au niveau de série d'outils qui étaient déjà en place. Il y a un collègue qui travaille chez Cassiopeia, qui était au service informatique XLOI. Donc tout ça a été plus, je pense aussi à une autre personne qui était aussi quelqu'un qui venait de banlieue, SBL, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Donc ce sont des SBL Saint-Gilloises qui sont bien orientés au service libre. Et donc, quelque part, on m'a laissé faire aussi, parce que c'est un petit peu l'enjeu. Au-delà de ça, ma directrice avait accepté, mais est-ce que le service informatique allait accepter? Donc ici, ce sont des machines du CIRB qui sont offertes. Mm-hmm. Elles sont arrivées avec du XP, Windows XP, en 2013, Mon premier défi a été d'avancer à pas de loup sans que ça change les habitudes des personnes. Et ma chance était que le système d'identification des utilisateurs de l'EPM était déjà du logiciel libre. C'était un système MyLIS. Les pilotes côté client existaient pour Windows et pour Linux. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que dans le fond de la France, via le réseau linuxien, j'ai pu contacter un jeune homme que je remercie encore aujourd'hui, qui avait gardé les paquets Debian, Linux Debian, de ce client utilisateur. D'accord. Et donc j'ai pu, en fait, plutôt que d'arriver de dire on change tout, oui, mais il y a déjà 1000 comptes d'utilisateurs. Donc moi, arrivant ici, c'était un peu risqué. À l'instant où, vu des collègues, ils auraient pu dire oui, mais il arrive, il impose son système, on doit refaire 1000 comptes d'utilisateurs. C'est moyen. Surtout que moi, j'avais envie de faire mes tests en douceur, de voir déjà ici quels étaient les besoins des gens. Et donc, ça a été, voilà, pendant 3 mois, j'ai fait que ça, des tests. Miracle, un jour, MyLIS se met en place, côté client. Donc, j'ai pu faire du dual boot progressivement et installer donc ce client d'utilisateur qui était obligatoire ici. Et donc, ça a été compatible. Et du côté serveur, c'était aussi du libre, mais du côté client, c'était, voilà. Et ça, c'était donc quelque chose qui était propre à l'EPM, puisque, on va dire malheureusement, le collège communal impose l'identification des utilisateurs. Mmh. Justement, là, tu parles de ce gars que tu as contacté pour récupérer les paquets Debian de ça. Tu as eu d'autres contacts avec des gens qui font du logiciel libre? Parce qu'on parle souvent de la communauté du logiciel libre. Et toi, tu la vois comment? C'était quoi ces relations avec elle? Alors, pour moi, c'est une vraie force dans le sens où, si on se réfère au groupe BXLUG, que tout le monde connaît, BXLUG.be, donc Interlug, hein, le réseau des utilisateurs Unix, c'est ça? Linux. Le U, c'est User. Oui. Voilà. Linux User Group. Pardon? Linux User Group. Les Linux User Group sont très présents, comme dans beaucoup de pays, en faisant partie moi-même. Ça a été aussi une force en voulant proposer le libre ici, en me disant je ne serai pas seul, puisque je suis déjà actif dans cette communauté en termes des install parties. J'en faisais depuis quelques années quand même, avec une centaine de machines installées. Donc ça ne me faisait pas du tout peur d'installer Linux. Par contre, la maintenance, le côté réseau, enfin quand je dis maintenance, c'était plutôt architecture du réseau, avec un serveur qui a été installé plus tard pour faire du portail captif. On a eu la chance de le faire en libre aussi, avec le système Fusion Directory, vous connaissez. Hein, on a installé ici, ainsi que PFSense, pour tout ce qui est LDAP et filtre. Ouais. Et donc, c'est aussi des outils libres qui ont pu s'installer avec l'appui du service informatique. Et pour revenir à ta question, qui était donc? Comment est-ce que tu vois la communauté du libre? Oui, voilà. Donc, en imposant ici, proposant en fait de faire le pari qu'aujourd'hui, investir dans un système libre et cohérent pour réduire la fracture numérique, pour amener de la stabilité, pour redonner les clés en main en fait, aux gens qui vont faire ce choix. D'autant que par exemple, j'ai créé les passerelles avec grâce à Nicolas Petiot qui m'a introduit là aussi chez Oxfam Chaussée d'Ixel. On a pu former les techniciens à l'époque, leur montrer ce que c'est pour qu'ils puissent vendre des machines reconditionnées en libre que l'utilisateur venait tester ici. Qui s'installe. En fin de compte, l'utilisateur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des réseaux sociaux, il veut des moteurs de recherche. L'OS, c'est bien, mais pour lui, c'est plus sa priorité. Disons que nous, ce qu'on propose ici, c'est des machines stables, sans virus. Il y a 1000 utilisateurs inscrits. Donc, quelque part, c'est un vrai bonheur. Ça veut dire que je peux faire de la vraie informatique, plutôt que de faire la maintenance, de défragmentation, de chasser les virus. Et au-delà de ça, on propose aussi un tas de logiciels multimédia, où je donne des cours en soirée, de musique électronique, de mise en page Tribus, voilà, un tas de choses comme ça qui marchent vraiment bien. La photographie aussi, qui sont vraiment mes dadas. Mais au-delà de ça, pour revenir encore à ta question, je suis un peu comme ça, je m'éparpille. Mais donc, oui, je pouvais m'appuyer sur la communauté du libre pour les compétences que je n'avais pas. Mm-hmm. Et donc j'ai essayé de tenter un partenariat entre le service informatique, les copains du réseau, et mes compétences. Et donc j'ai eu Jean-François qui est venu, Jean-Sébastien qui est venu ici certaines soirées. Voilà, je lui ai payé une bière ou un restaurant après, mais je m'y retrouve, puisque ça veut dire que les compétences que j'ai pas, je peux les demander. En échange, moi j'ai pu aussi l'aider sur d'autres projets. Et ça, c'est une force d'action qui existe de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, même dans le service public, malheureusement, les gens sont un petit peu parfois routiniers, où il y a des procédures de plus en plus lourdes, où on ne va pas accepter de faire un écart, où il faudra négocier, où en tout cas, on donne de moins en moins les clients, on donne de moins en moins, on va dire, la main peut-être sur la technologie aux employés. Mmh. Ici, moi, j'ai la chance d'être arrivé dans un poste où tout était à faire, il n'y avait personne avant moi. Et en fait, mes collègues s'arrachaient les cheveux parce qu'on les appelait tout le temps pour des problèmes de démarrage, des problèmes de virus, des problèmes de fermeture de session. Donc j'ai pu, je pense, amener une qualité d'accueil. Et c'est vrai que le temps que j'ai gagné en informatique grâce à un outil stable, j'ai pu le donner, je pense, j'espère, à une qualité d'accueil qui pour moi est une mission de service public. Donc je vais prendre le temps de dire bonjour, d'écouter une personne qui a un problème, parfois extrêmement basique. Il y a un email qui n'est pas arrivé, il y a une photocopie à faire officielle, puisqu'aujourd'hui on voit que les services de l'État, le comptoir numérique administratif se déplace chez nous. Donc on voit de plus en plus de gens arriver un peu stressés, ils ont des impôts à déclarer, ils ont des demandes de papier officiel à faire. Une bourse d'études de la communauté française aujourd'hui passe par l'informatique. Heureusement qu'au niveau fédéral, les paquets Linux existent officiellement pour lire la carte d'identité électronique. Alors pour le moment, je suis en train de tester la signature, pas la signature, mais le lien de téléchargement des e-books, des livres numériques, qui malheureusement doit passer par le système Adobe. Et grâce à la couche interopérabilité Wine, ben, j'ai pu installer le logiciel Adobe Edition dans Linux qui me permet de télécharger le fichier EPUB sans avoir besoin d'installer de Windows. Donc c'est toujours un combat, ça veut dire que ça reste fragile, il faut l'unité pour peut-être politiquement rappeler qu'il faut absolument que les gens qui émettent ces services communaux, fédéraux, administratifs, font plus que de ne pas oublier, ils doivent vraiment, pour moi, militer pour offrir et ne pas obliger le citoyen à acheter un produit propriétaire qui, en fait, souvent se réserve à Windows. En fait. Parce que je pense que la carte d'identité électronique ne fonctionne pas avec un Mac. Donc ça pose pour moi des vrais problèmes d'accessibilité au comptoir numérique que nous mettons en place ici, au service du citoyen. Puisque réduire la fracture numérique, est-ce que ça veut dire un monde de l'emploi qui a peu de moyens? Est-ce que le message veut dire va voir ta grand-mère comment? My dear sister, I can't understand. Bonjour à tous aussi. C'est bien Source, c'est bien le premier vendredi du mois, c'est Fredux au micro. C'est une voix que vous avez sans doute reconnue dans l'entrée de jeu de ce vidéo, cette vidéo qui a été tournée à la bibliothèque Mercelis à XL où Philippe Hubeau, à qui nous rendrons hommage à sa casquette de libriste, mais aussi de syndicaliste aujourd'hui. Voilà, Philippe disait bien justement en finale là, que le fédéral ne peut pas imposer Microsoft à ses citoyens. Sinon, l'interopérabilité est un petit peu biaisée et on n'est plus nécessairement dans un état de droit, mais peut-être plus de droite, à la limite. Hein, un E près et on y est. Voilà, je suis en compagnie d'Alain et de Denis, qui sont venus rendre hommage aussi à notre ami Philippe, qui nous a quittés il y a peu. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir Denis, comme ça je règle ma question. Bonsoir à toutes et à tous. Alors voilà, hein, le Philippe Hubeau libriste, on a entendu un développeur de capacités dans les espaces publics numériques, que ce soit au nord de Bruxelles ou au sud de Bruxelles. Mais c'est surtout en tant que syndicaliste que ce serait amusant d'avoir un petit son de cloche de la part d'Alain. Donc tu es un ancien collègue. Je suis un ancien collègue et je suis également à la CGSP. Et j'ai rencontré Philippe donc dans le cadre de son travail de délégué et j'ai découvert une personne qui était ouverte à tous et qui menait un combat personnel pour améliorer les conditions de travail et de vie dans le milieu du travail. Et un homme qui voulait défendre des convictions et défendre ses collègues. Mmh. Donc, malheureusement, il nous a quittés aujourd'hui, beaucoup trop tôt. Et je pense qu'il est une victime, en tout cas, une des victimes du système dans lequel aujourd'hui on voudrait nous faire vivre, c'est-à-dire un système où la rentabilité, où l'efficacité... prime avant tout et avant la relation humaine et avant le contact aux autres. Mmh. C'est pour ça qu'on était dans les rues à Bruxelles, à la Louvière, à Charleroi mardi, parce que le coût des pensions est tout à fait. Un des pieds de nez fantastiques. Tout à fait, on vient nous expliquer qu'on ne sait plus, qu'on ne saura pas payer les pensions de demain, donc toutes les personnes qui... aujourd'hui, se lancent dans le milieu du travail. On vient leur expliquer qu'il va falloir travailler de plus en plus longtemps pour une pension de moins en moins élevée, alors qu'on n'a jamais produit autant de richesses de par le monde. Mais je pense clairement que cette richesse n'est pas répartie de manière équitable, parce que sinon, je pense clairement qu'il n'y aurait pas ces problèmes de pension, entre autres. Maintenant, je pense aussi que on est arrivé dans un système où la social-démocratie sur laquelle beaucoup de personnes se sont battues avant et après-guerre est occupée d'être démantelée petit à petit. On n'arrive plus, on veut diminuer la sécurité sociale, on veut diminuer les pensions. On a de plus en plus de personnes qui sont en recherche de travail, pas forcément de chômeurs, parce que tout le monde n'a plus droit au chômage, mais ça reste des demandeurs d'emploi. Et à côté de ça, on augmente la pression sur ceux qui restent au travail pour leur demander toujours plus de rentabilité. C'est ça, c'est comme si on ne faisait plus vraiment la distinction entre le secteur marchand et le secteur non marchand. C'est le fait de vouloir appliquer, prenons le cas d'une bibliothèque communale, quand même dans un secteur relativement non marchand, et c'est de vouloir lui appliquer toutes les panoplies de mise sous pression du secteur marchand. On a bien, chez Jeff Bezos, on va l'appeler le boss d'Amazon, la délation entre collègues et monnaie courante, parce que ça permet de booster l'entreprise, l'humiliation en public que Jeff Bezos est habitué à faire pour effectivement, stimuler son personnel. Quitte, bon, effectivement, à le voir passer par la fenêtre. Enfin, non, c'était à France Télécom ou chez Foxconn. Enfin, il y a d'autres endroits. Mais je dis, bon, voilà, il en est quand même arrivé à 1000 milliards de capitalisation boursière divisé par 7 milliards d'humains. Ça ferait 147 milliards par personne. On serait tous milliardaires, en fait. Pauvre riche, maintenant, il doit avoir des problèmes de riche, quoi. Mais bon. Ça me rappelle une Coluche, ça. Mais oui, il n'y a pas que chez Lidl qui a des burn-out. Il y a aussi, ça rentre, effectivement, maintenant, on se rend compte qu'au niveau communal, eh bien, c'est occupé à prendre de l'essor. Et c'est vrai que c'est très troublant de se dire que des gens qui sont dans un contexte quand même relativement privilégié, une bibliothèque, c'est calme, c'est un peu à l'abri du monde, que même ces gens-là peuvent se retrouver sous une pression telle que ils ont les yeux qui leur sortent de la tête pendant un moment, et puis après, quand ils n'en peuvent vraiment plus, il peut arriver qu'ils mettent fin à leur jour. Alors on va quand même essayer d'aborder aussi des solutions que vous proposez, vous, à la CGSP, ben écoutez, parler un peu de ça aussi. Parce que je pense qu'il faut essayer d'en sortir le maximum de choses positives. C'est-à-dire que nous, à la CGSP, nous mettons en place, enfin depuis déjà un certain temps, des relais pour tout ce qui est la participation donc au CPPT, c'est-à-dire tout ce qui est justement les réunions avec les autorités sur le bien-être au travail. Nous avons un grand spécialiste pour ça qui s'appelle Marc Duplessis chez nous, qui travaille sur les communes, la police et toute la région bruxelloise. Et donc il travaille là-dessus depuis des années parce que les lois existent depuis 1996. Et donc pendant 20 ans, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui se sont faites. Il m'a rappelé qu'il y avait des nouvelles lois spécifiques sur le harcèlement au travail, le burn-out et les problèmes psychosociaux dans le travail qui avaient encore été votés en 2014. Et donc, la CGSP essaye dans ce cadre-là de faire prendre conscience aux autorités qu'il y a des choses à faire pour le bien-être au travail et essayer d'améliorer les conditions de travail de tout le monde. Donc, voilà, en fonction des autorités en face de qui la CGSP se retrouve, parfois, des choses avancent très, très bien. Dans d'autres cas, malheureusement, ce n'est pas toujours aussi évident, soit par méconnaissance des autorités, soit peut-être par le non-vouloir de connaissance des autorités. Oui, parce qu'il y avait quand même dans cette nouvelle version de la pénibilité du travail, dont allait dépendre l'âge de la pension ou le taux de la pension, dans ces quatre critères, il y avait du problème, ce qui était lié aux aspects physiques du travail. Oui. Il y avait l'organisation, si c'était plus du travail de nuit ou du travail horaire décalé, des choses en genre. Il y avait la pression psychologique et il y avait la sécurité. Et il semblerait, et je l'ai lu récemment, que M. Braclen, ministre des pensions, d'avoir inventé ça. Il fait que ça à plein temps, lui. il aurait retiré le critère de pression psychologique de ces quatre critères. C'est une information recoupable ou c'est un effet de presse? Non, je pense que c'est une information qui pourrait se retrouver. Mais déjà, le critère de pénibilité... Le débat est très très ouvert là-dessus, puisque le représentant de l'AFEB, il n'y a pas très longtemps, à la télévision, en parlait encore en disant « si vous mettez 30 ou 40 critères, vous allez mettre tout le monde dans la pénibilité, et donc ce n'est pas possible, nous on veut bien 2 ou 3% de métiers pénibles ». Mais le problème, ce n'est pas toujours le métier qui est pénible, mais c'est les conditions dans lesquelles on vous fait travailler le métier. Parce que beaucoup de personnes... aiment leur métier et veulent faire leur métier. Mais après, il faut savoir dans quelles conditions on vous demande de faire ce métier. Et à ce moment-là, la pénibilité, justement, entre en compte. Et aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu instauré et que c'est institutionnalisé. Et donc, il y a un moment, est-ce que c'est normal qu'on demande à ceux qui sont dans le monde du travail de travailler de plus en plus en étant de plus en plus rentable et avec une pression de plus en plus importante, alors qu'à côté de ça, des milliers de personnes n'ont pas de travail et rêveraient peut-être de partager ce travail avec leurs anciens ou leurs futurs collègues. Donc là, clairement, je pense qu'il y a un grand débat à voir. C'est ça, donc c'est soit mieux repartager le travail comme étant le seul moyen effectivement d'atteindre la richesse, soit c'est de repartager la richesse. Oui, les deux voies sont possibles, je pense. Voilà, l'une n'exclut pas l'autre. Voilà, donc on parle de l'automatisation future de tas de métiers où on perdrait jusqu'à 50% du travail pour les travailleurs parce que des machines vont le faire demain. Alors que vont faire ces personnes qui demain n'auront plus de travail puisque les machines le feront à leur place? Ce qui en soi n'est pas un mal, parce que certains métiers pénibles, effectivement, si... Si c'est remplacé par une machine, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Et donc, un robot va donner la moitié de son salaire à un humain. Par exemple, ou les humains qui continuent à travailler pourraient partager leur temps de travail avec d'autres humains pour payer, gagner toujours un salaire convenable, mais que le temps de travail soit divisé en deux, par exemple. Mais voilà, enfin, c'est comme Philippe en parlait là, dans ce petit reportage qui a été fait sur lui, le fait que le fédéral utilise des outils informatiques propriétaires et souvent dans les EPN, pour réduire la fracture numérique, on remercie Microsoft de dispenser ou des machines ou des systèmes d'exploitation ou des programmes et de créer de l'emploi évidemment par ce biais-là. Et donc je suis surpris que beaucoup de nos gouvernants déroulent le tapis rouge devant ce genre de grandes instances qui par ailleurs, très discrètement, ont des accointances avec les Bermudes, les îles Marshall, les îles Vierges, enfin ce qu'on appelle classiquement l'optimisation fiscale. Donc du coup, ce sont des sous qui ne reviennent plus dans les finances légitimes nationales. Enfin, y a un petit paradoxe de ces hommes politiques qui disent à Microsoft, oui, installez-nous des programmes, cadenassez nos citoyens, oui. et en plus, allez foutre le pognon aux Bermudes. Ben, je pense que la plupart de ces sociétés, déjà, ne sont pas de droit belge ou européen. Donc ce qui leur permet évidemment de naviguer avec leur argent ailleurs que dans nos contrées. Alors après, je pense aussi que le fait de remettre entre les mains d'une société privée l'ensemble des propriétés privées, mais aussi des propriétés publiques, à une société privée qui déjà n'a pas les mêmes droits que nous et qui demain peut peut-être se faire hacker par un autre pays, une autre société, etc., avec la libéralisation à ce moment-là de toutes ces informations qui sont des informations privées très souvent. Donc, je pense qu'il y a un problème de ce point de vue-là aussi, effectivement. Voilà. Merci. Non, c'est agréable de savoir qu'on a nos idées se rejoignent. je suis content aussi de ce point de vue-là. Yes, voilà, et donc pour revenir un petit peu au problème de la pénibilité du travail, parce que c'est quand même ça qui a miné déjà la santé de pas mal de gens, bon, encore récemment à Etterbeek aussi, la pression du travail a débouché sur une situation finale et dramatique. Est-ce que c'est inhérent au monde du travail qui deviendrait aussi... pesant, enfin, surtout quand il y a des pressions psychologiques. Mais le monde du travail aujourd'hui est régi par un libéralisme à outrance qui met la pression sur l'ensemble des travailleurs. Malheureusement, les cas qui sont proches de nous, je pense que ce ne sont qu'une petite partie de l'iceberg qui se fait un peu partout en Belgique et dans le monde. Et donc, Le souci, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule pensée, c'est celle de la productivité à tout prix. Et clairement, est-ce que c'est vers ça que le monde veut aller ? Est-ce que c'est vers ça que l'être humain veut aller ? Est-ce que c'est ça le développement humain ? Est-ce que l'humanité va de l'avant en faisant ce système-là ? Alors, je ne dis pas qu'il y a forcément un autre système à opposer à celui-là. Je pense qu'il y a beaucoup de variables possibles, mais aujourd'hui dans le monde, je crois voir à la télévision, un peu partout dans le monde, que c'est un peu partout où c'est une certaine hiérarchie supérieure d'un pays ou ailleurs qui impose sa volonté à l'ensemble de sa population ou des populations des pays voisins. Et donc, je ne trouve pas que ça permette un développement de l'être humain très intéressant, ni très... très allez. Épanoui. Épanoui, ça nous mène à quoi ? Moi, je voulais juste faire allusion à un sondage qui avait été fait, où on posait la question à des gens donc, qui travaillent, en leur disant, si vous aviez à choisir entre une augmentation de salaire ou plus de reconnaissance, qu'est-ce que vous choisiriez ? Et il y a 80% des gens qui ont choisi juste un peu plus de reconnaissance. On aurait posé cette question il y a 30 ans. Je crois que la plupart des gens auraient plongé sur une augmentation de salaire sans réfléchir, quoi. Donc, pourtant, les gens manquent d'argent. Enfin, on va dire, ça dépend à qui. Mais la plupart des gens à qui s'adressait, je pense, ce sondage, étaient des gens qui travaillaient, qui avaient un salaire normal et qui, voilà. Et qui n'ont pas hésité une seconde à répondre ça. Donc c'est quand même qu'il y a un malaise qui ne fait que s'accentuer. Moi je m'amuse aussi à recouper, c'est avec la ligne directrice des spots publicitaires pour la Loterie Nationale. 8 fois sur 10, le scénario est de dire j'arrête de bosser et je voyage, ou j'écoute pousser mes cheveux, ou je mange des statues en chocolat. Mais il y a cette idée du remplacement du gain hasardeux de la Loterie Nationale, c'est pour arrêter de bosser. Oui. C'est étrange, hein. C'est... Oui. C'est un petit rapprochement aussi. Oui, mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans le monde où on vit, il y a aussi de plus en plus de personnes qui jouent au jeu d'argent pour espérer pouvoir sortir de leurs conditions et du milieu du travail dans lequel ils se trouvent. Parce que, justement, toute cette pression qui se trouve dedans, ben, l'échappatoire, c'est de gagner au loto. C'est boulot, métro, loto, dodo. Eh oui. Et alors, du coup, les perspectives d'avenir se discutent d'abord avec le terrain, avec les gens qui sont affiliés, que ce soit à la CGSP par chez vous, mais avec les autres syndicats, où la discussion est plus avec l'étage supérieur, qui sont les dirigeants les plus proches, communaux, régionaux, fédéraux. Mais personnellement, je pense que l'idéal est d'avoir des débats à tout niveau, c'est-à-dire que en tant que délégué syndical, on essaye d'être le plus possible à l'écoute de tous les problèmes qui se trouvent, quel que soit le niveau dans lequel on se trouve dans le syndicat, c'est-à-dire qu'on soit délégué de terrain ou travaillant plus dans une centrale où on rencontre plus généralement des ministres régionaux ou fédéraux. Le but, je pense, pour tous est d'arriver à exprimer la volonté des affiliés, bien sûr, puisque nous sommes leur relais direct, mais je ne pense pas du tout être refermé sur le milieu syndical. Et donc, quand des personnes viennent nous trouver, qu'ils soient affiliés chez nous, ailleurs ou pas affiliés du tout, un travailleur reste un travailleur, et dans le monde du travail, ben, le travailleur est la première personne à qui il faut être à l'écoute, parce que son travail, c'est en bonne partie sa vie, et de son travail dépend sa qualité de vie, et donc c'est clair que c'est très important de pouvoir être à l'écoute. Mmh. Alors, comme je l'ai dit avant notre débat, Denis, je pense que quand les citoyens se mettent ensemble pour des associations, pour défendre tel ou tel point de vue, eh bien, je crois que c'est très important que les syndicats en général, et je pense et j'espère de plus en plus que ça peut se faire au niveau de la CGSP, bien sûr, d'être à l'écoute de ces mouvements citoyens, parce qu'ils sont aussi le relais des problèmes ou des convictions des gens. Après, tout est question, je pense clairement, de débat sur vers quelle société on veut aller. C'est toujours le souci, c'est d'arriver à essayer... Une vision d'avenir. Une vision d'avenir pour à long terme, de préférence. Pour le maximum de personnes et pour le bien-être d'un maximum de personnes. Si on est à l'ère aussi où on va abattre 40 000 porcs, en bonne santé, dans 40 000 ou 400 000, je ne sais plus, il y a la semaine dernière. 40 000, oui, voilà. Oui. Ouais. Ils étaient en pleine bonne santé, mais ils risquaient de ne pas être vendables. Enfin, et par précaution, on flingue des gens. Donc si on fait ça au niveau du bétail, tout qu'on fait, pourquoi pas le faire aussi au niveau des humains, cyniquement dit. Oui. Voilà, non, mais c'est parce qu'il fut un temps, enfin, bon, les syndicats, en reprenant les époques où ils se sont créé, conçu et pensé était forcément créé par justement un mouvement citoyen. Enfin, c'était les travailleurs qui s'unissaient eux-mêmes pour se faire respecter des droits anciens ou de nouveaux droits. Puis il fut un temps où bon, on a un petit peu décrit les syndicats parce qu'ils étaient quasi peut-être un petit peu plus du côté du patronat pour donner un coup de main à la productivité, certes, des choses dans le genre. Une éthique de syndicat maintenant, c'est de revenir du côté des affiliés, enfin, en tout cas des braves gens. En tout cas... Évidemment, je ne peux pas facilement parler pour l'ensemble du monde syndical, non, hein. Parce que je ne connais pas tout le monde dans la hiérarchie. On va dire dans la hiérarchie, c'est un bien grand mot d'ailleurs, par nos représentants, parce que, en tout cas, à la FGTB, nous fonctionnons de manière fort démocratique, avec des élections internes pour avoir des représentants, justement, et pas par une hiérarchie avec une personne qui sera le chef omnipotent du syndicat. Et donc, c'est souvent des grands débats, et je crois que clairement aujourd'hui, de ce que j'en entends en tout cas, on essaye de vraiment revenir vers les basiques, c'est-à-dire la défense du travailleur et du concitoyen, pour que demain, le monde... soit meilleur que le monde dans lequel on veut nous faire vivre demain. Mmh. Je comprends tout à fait ça. Allez, un petit morceau de Meredith Fan avec un morceau qui s'appelle You Lost One. Ce n'est peut-être pas un hasard dans ce choix de ces titres. Mais voilà, on se retrouve après ce petit morceau. See, I've been waiting on you for an hour or two. No text, no call, man, you're just playing rude. What's a girl gotta do to get a man follow through? Too many times you let me down and I ain't playing a fool. Yeah, this ain't the first time, but it's the last time that you keep me alone, waiting up on you. I'm not a use to all this mess, and I promise no other girl will put up with this stress. And come to think about it, there was some other bodies on your phone when you left it here. Yeah, it's kinda shady that you got a lady calling you from work every day of the year. You must be crazy, but so was I for thinking that I could be the only girl you give your time and attention to. Oh, and I don't think you realize what you've done. You tried to play me, but I'm not that dumb. And it'll be easy for me to find someone. And I know you got a lot of women, but baby, you lost one. You just lost one. That's right, you lost one. You just lost one. Two new girls on your phone at night. How can you feel in your heart? That's right. So many women, friends, you just can't decide. So let me help you, you lost one. You lost this one. Yeah, I might have fallen for your charismatic ways, but I ain't staying with someone who don't act his age. I'm writing a story and boy, you're just a page. Paper cutting me, so from you I must turn away. Pack my bags, got your jacket filled up, so I'm ready to roll out. And to be honest, I don't wish you the best. Real soon you're gonna be alone and distressed. And I will be fine somewhere else getting mine. So don't be sure the other girl's gonna stay. Those tricks and chicks gonna fade away. You had the real deal with me, that's love that you did feel. But you just had to go out and find other girls you could control. Oh. And I don't think you realize what you've done. You tried to play me, but I'm not that dumb. And it'll be easy for me to find someone. And I know you got a lot of women. But baby, you lost one. You just lost one. That's right, you lost one. Phone at night, how can you feel in your heart? That's right. So many women, friends, you just can't decide. So let me help you. You lost one, you lost this one. Now, the best part is yet to come. You will see I was second to none. While you were running around looking for fun, I found somewhere to place all of your funds. You left up your bank account, even with your password. Baby, that's a hazard. Click, confirm, transferred. When those dollars get to dropping, there won't be no bottle popping. Let me know how it goes when you're bankrupt. Lower your dough like glue. Hit them up. Guess I was mistaken. But won't be my heart you're breaking. Come August 1st, I'll be busy staying sweet birthday caking. Don't confuse me to be one of your flings. I was in this cause I thought we had a coke world, the real thing. Not so sure what it is to you that I meant, but I'ma make sure that all of your time was well spent. You must be crazy, but so was I for thinking that I could be the only girl you give your time and attention to. And I don't think you realize what you've done. You tried to play me, but I'm not that dumb. And it'll be easy for me to find someone. And I know you got a lot of women. But baby, you lost one. You just lost one. That's right, you lost one. You just lost one. Two new girls on your phone at night. How can you feel in your heart? That's right. So many women, friends, you just can't decide. So let me help you, you lost one. You lost this one. Voilà, c'était Meredith Fan de son album Join the Fan Club. Et ce petit morceau s'appelait donc You Lost One. On en a perdu un, effectivement. Et tout à l'heure, on avait entendu Hungry Lucy avec Just Imagine, que tout aille bien. Donc, très chers amis du 92.1 de la bande FM, vous êtes bien dans Source, l'émission qui traite du libre sous tous ses formats ouverts de Radio Campus 92.1 FM. Désolé, aujourd'hui, notre stream internet ne fonctionne plus. Vous êtes les bienheureux de la bande FM bruxelloise. Il n'y a que vous qui pouvez nous écouter. Nos copains collègues du Kamtchatka, du Cameroun, des îles Bermudes, des îles Marshall, des îles Vierges, des îles Caïmans. On a beaucoup d'auditeurs là-bas, oui, c'est oui, vrai. Ah oui, ils nous écoutent tous, parce qu'on leur donne souvent des bons plans avec le double hollandais, là, le sandwich irlandais, tout ça. Oui, on est des bons plans. Et oui, non, l'évasion fiscale, ça c'est du bon, hein. C'est au moins ça permet de voir un peu du pays. Mais voilà, je me demandais comment était Philippe dans les assemblées, parce qu'il était nouvellement camarade. C'était une intronisation assez récente, je crois. Oui, enfin, elle avait quelques mois. Heureusement pour nous, on a pu le côtoyer le plus longtemps possible. Mais comme je pense, j'en ai un peu parlé au début de l'émission, moi, j'ai découvert un homme qui était très ouvert, très à l'écoute des autres, à rechercher des solutions, mm-hmm. à vraiment et à ouvrir le débat par rapport aux solutions, aux problèmes qui se présentaient mm-hmm. dans les divers endroits de la commune. Donc, il était vraiment d'une aide précieuse pour arriver en discussion à faire avancer le débat et à aller vers des solutions. Oui, parce que nous, le groupe d'utilisateurs Linux de Bruxelles, dont on parle au début du petit documentaire tout à l'heure, syndicalement parlant, c'était une brute ce type. Il ne concédait rien en termes de logiciels propriétaires. C'était un... Enfin, je sais pas, djihadiste, c'est peut-être un peu un fondamentaliste. Ah non, tu parles de Philippe, là. De Philippe, ah oui. Ah bon hein oh, c'était loin d'être un intégriste. C'était un fondamentaliste. Non, voilà. Moi, pour ma part, ce que je m'en souviens, parce qu'il m'en parlait à l'occasion, c'était qu'il scindait quand même le problème en deux en disant il y a une approche du problème qui peut être plutôt liée au fédéral et une autre approche du problème, des pressions qu'on peut subir, qui est plutôt liée au niveau communal. Est-ce que ça, vous en parliez de temps en temps, vous évoquiez ces différences ou le fait qu'il y avait un glissement progressif du fédéral vers le communal? Enfin, là, on rentre un peu plus dans le... Je ne veux pas non plus t'acculer à quoi que ce soit. Peut-être voir si c'est, mais c'est quelque chose qui vous a amené ou que vous aviez déjà, bien évidemment, ou qui l'a pu renforcer. Mais que je me souvienne, je pense qu'effectivement, il nous a rejoints parce qu'il voyait ce qui se passait au fédéral. Et je pense qu'il voulait au moins se battre au niveau local pour que ce système de pensée, justement, ne devienne pas la règle. Et donc, je pense que dans son combat, il était pour l'accès à tous à la culture. Donc, le milieu de la bibliothèque, évidemment, de ce point de vue-là, est assez privilégié. Et donc, ce n'est pas pour rien, je pense, qu'il y travaillait. Et forcément, il était très à l'écoute des personnes qui venaient et de ses collègues pour essayer de rendre un service aux citoyens le meilleur possible. Et est-ce que rendre ce service aux citoyens aujourd'hui est ce que culturellement on voudrait instaurer un peu partout? Ce n'est pas évident. C'est très difficile pour nous de prendre, je ne vais pas dire pas prendre position, mais c'est très très difficile de savoir à quel point ça pouvait le toucher quand il nous rendait compte de ce qu'il avait entendu à la télévision ou ailleurs sur des choses qu'on voulait instaurer dans tous les milieux. Et donc ça le touchait clairement, mais il avait, pour nous en tout cas, la volonté de toujours vouloir aller de l'avant. Et donc c'est vrai que je ne savais pas à quel point la vie était difficile pour lui, parce qu'il voulait toujours être positif. Il voulait toujours trouver des solutions. Il encourageait tout le monde à faire ce qui était bien. Mmh. Voilà. Mmh, oui, ça c'est effectivement sans doute bien aussi la force du logiciel libre, c'est qu'il sait qu'il y a plus dans deux têtes que dans une. Et le refus de l'argument d'autorité, tel qu'on le pratique ici à l'ULB, hein, via le cercle du libre examen, était une de ses manières à lui, en tout cas, de dire que de toute façon, il n'y a rien d'autre que GNU/Linux. Mais donc vous allez aussi, on est là également pour préparer l'avenir et on a un petit coin d'agenda. Il y a une soirée que vous prévoyez d'organiser le samedi 13 octobre prochain, oui. Juste la veille des élections. Ça promet d'être joyeux comme ça. Nous attendons la visite de tous nos concitoyens, concitoyennes et peut-être élus qui seront, je l'espère, à l'écoute de ce qui pourra se dire, n'est-ce pas, pendant cette soirée. Que nous voulons une soirée de recueillement, mais surtout aussi de dialogue et de discussion pour que tout le monde puisse parler de Philippe et de parler de l'avenir. Parce que je pense que c'était quelque chose sur lequel il avait vraiment une vision et voilà. Et donc nous avons spontanément décidé de dire on veut faire quelque chose. Mmh. On avait l'avantage, entre guillemets, d'être une organisation qui permettait quelque part de le faire. On était un groupement qui avons décidé de faire cela, mais c'est absolument une idée qu'on veut ouverte à tous et à toutes, bien sûr. le tout est de rendre hommage à Philippe et aussi de pouvoir parler du monde dans lequel on vit. Et voilà, c'est pour ça aujourd'hui que je suis venu d'ailleurs à l'émission, pour que son combat, ses combats divers et variés que j'ai découverts au fur et à mesure des mois et aussi encore à son enterrement, que tous ces combats divers et variés soient relayés par le plus de personnes possible et que ces personnes puissent se rencontrer et se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément seuls de leur côté, que d'autres personnes ont les mêmes idées que lui, aussi, même si elles sont très diverses, mais qu'elles peuvent se rencontrer sur certains points et que le débat et le dialogue sont les manières de faire avancer les choses. C'est ça, quitte à fabriquer un nouveau mouvement citoyen, sur base de tous les champs sur lesquels Philippe œuvrait et se battait et militait, que ce soit dans le logiciel libre, que ce soit dans le domaine du syndicalisme nouvellement acquis, que ce soit tout son boulot à la bibliothèque aussi. C'est un peu bizarre de constater que tous ces satellites dont il faisait partie, bon, moi je mets le côté syndicaliste, côté satellite, il y avait Polyamour, il y avait Résonance, il y avait enfin des tas de musique assistée par ordinateur, c'est vrai. Des tas de facettes différentes de son personnage, et tous ces groupes sont un petit peu en déshérence pour le moment, parce que c'est vrai que c'était un repère quand même très solide, et je dis pas que vous êtes en déshérence. Non. Déshérence est un terme très fort, hein. Mais enfin, on se cherche. Et quelque part, moi je trouve que sa qualité première à Philippe, c'était de créer du lien, créer des liens. Et ça, si on peut continuer dans ce sens-là, on sera toujours gagnant, et ce sera notre façon à nous de l'honorer, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. De continuer sur sa lancée et plus... Et renforcer ces liens au maximum. Parce qu'on se rend compte finalement que ce soit Résonance, Polyamour ou la CGSP, finalement on a des sensibilités qui sont très proches. On est humain et on a envie d'améliorer les choses dans ce qui nous entoure, quoi, dans notre entourage. Oui, le fait d'imaginer le bonheur d'être sur Terre pour le plus de monde possible, ou à l'inverse, c'est criminogène, c'est liberticide, c'est dire voilà, il y a que moi qui peux être heureux sur Terre. Enfin, c'est ce que fait Jeff Bezos. Je crois que le P lui va mieux que le B. C'est son petit malheur d'être riche, d'être heureux. Oui, on va passer avec une seule vie pour tout dépenser. Donc c'est des manières de combattre un certain asservissement qui est en train de se mettre en place tout doucement, vu que même dans le non-marchand et dans une bibliothèque d'une petite commune, d'une petite ville, on est en train de pratiquer le même genre de management que dans une grosse boîte cotée à 1000 milliards en bourse. Quoi. Vous voyez, c'est 1000 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Enfin, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est savoir que l'État investit pas mal dans les bouquins numériques, et que finalement le support numérique, bon, ça crée pas vraiment des liens humains, quoi. Et que les bibliothèques, elles sont irremplaçables, sont vraiment des lieux de rencontre qui sont censés être conviviaux, qui sont censés être un peu protégés des turpitudes du business à tout craint. Et qu'on se rend compte que même ça, maintenant, ça commence vraiment à être... Et ça va s'accélérer. C'est que le début d'une... Enfin, moi, je pense. Et que si on ne réagit pas un peu plus... de manière un peu plus posée, on va avoir des gros soucis. Parce que le bouquin, le livre, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel dans notre culture, quoi. C'est quand même là qu'on a une pensée critique, qu'on parvient à vraiment élaborer des choses. Enfin, je ne sais pas comment, hommage à comment exprimer ça. surtout quand on a devant soi un livre qui s'appelle « La siliconisation du monde ». Mais oui, tout est lié, parce que c'est marrant. Dans ce bouquin, j'ai même trouvé un petit passage qui parle des bibliothèques. J'ai trouvé ça passionnant, parce que bon, parler de la siliconisation du monde et faire le lien avec les petites bibliothèques de quartier, c'est assez fort. Quoi. Voilà, mais c'est bon, parce que c'est Jacques Santi, Nandi pour situer comme son auteur. Pardon, Eric Sadin. Voilà, la siliconisation du monde, je vous le recommande. L'irrésistible expansion du libéralisme numérique. Et ce libéralisme numérique, il touche les bibliothèques de front aussi, et il en parle très brièvement ici, mais Philippe m'en avait pas mal parlé, et on a des soucis à se faire par rapport au propriétaire là-dedans, au rôle du propriétaire bien évidemment, au fait que le politique et le culturel maintenant commencent aussi à déléguer à des sociétés clés en main bien des pans entiers de notre culture, quoi. Et là, c'est un petit pan qui va disparaître, qui va manquer ou pas. Je pense que ça va manquer. Les habitudes changent, les pratiques changent, mais je pense quand même qu'une bibliothèque telle que celle-là, je la vois pas vraiment changer de fonction du jour au lendemain, quoi. J'espère qu'il va y avoir un peu de résistance de ce côté-là, quoi. Ouais. Et alors là, tu avais trouvé un petit passage que tu avais envie de nous mettre. Un petit passage que je peux vous lire. Je suis désolé, je suis pas très doué en lecture directe comme ça. Je vais faire de mon mieux. Mettre un petit peu de lumière, parce qu'il commence à faire sombre. Non, ça va, je vois clair. Alors bon, il dit donc, il prend le postulat, nous nous opposons au service de l'emprunt de livres numériques proposé par un nombre croissant de bibliothèques. contribuant de ce fait à affaiblir la chaîne du livre, qui plus que jamais doit non seulement subsister, mais se développer, vu qu'elle constitue l'un des socles fondamentaux de notre culture. Pratique qui porte notamment préjudice aux librairies, lieux de convivialité et de rencontres dans les villes auxquels nous nous sentons redevables et sommes véritablement attachés. Nous n'entendons pas que le régime privé et les responsables politiques, ensemble, mettent à bas ces piliers de notre civilisation. À cet égard, nous dénonçons les aides publiques affectées au développement du livre numérique, telle celle attribuée en France par le Centre national du livre CNL depuis le début des années 2000 et par nombre de collectivités locales en France. Donc ce soutien à certains supports, privilégier certaines choses, etc., amène à des conséquences, évidemment, sur notre culture. Mm-hmm. Oui, ouais, je me demande si c'est Gatto qui avait parlé, le fiston de David Bowie, ou je ne sais plus, qui demandait si les disques qu'on avait, enfin les morceaux de musique qu'on avait achetés sur iTunes, on pouvait les mettre dans sa succession pour les offrir à sa descendance. Classiquement, enfin, comme quand on hérite d'un château, d'une bibliothèque en bois ou d'une bibliothèque en papier. Voilà. Ben, en fait, non. Chez Apple, ils ont dit non, non. Ah, ce n'est pas tu l'as acheté, tu es propriétaire que, mais tu peux pas le filer à qui tu veux. Les fameux Digital Right Management, DRM, sur la musique d'Apple. C'est là qu'on se dit vive le vinyle et vive les vieux cassettes. Voilà. Donc, du problème de la numérisation à outrance, c'est le fait de voir à qui on fait confiance. Mais à un niveau individuel, encore, c'est un choix qu'on fait. Même si on n'est pas très bien informé, ok, mais c'est un choix qu'on a fait. Mais quand ça se passe au niveau communal ou à d'autres niveaux, là, on peut assister à des dérives qui sont pas sans conséquences, c'est sûr. Allez, The Simulation Hypothesis, c'est The Politics of Desire, le nom de l'album. Voilà, la révolution est vide. Et ici, les musiques toutes diffusées sont sous label Creative Commons, libre de droit, si ce n'est d'aller faire coucou aux auteurs et aux autrices et de leur offrir un café à distance ou même mieux, trouver le moyen d'aller les voir en concert pour de vrai. Mais donc, Creative Commons, c'est aussi une autre façon de voir la culture et c'est nettement moins marchandisé. We'll be right back. Voilà, un petit retour sur les chapeaux de roue. Voilà, c'était Revolution Void, The Simulation Hypothesis de l'album The Politics of Desire. Alors, la politique des désirs, quand on est politicien soi-même, bon, effectivement, ça doit être un grand dilemme, hein, entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. On a déjà vu un petit peu tout ce qui s'est déjà passé comme affaire Cahuzac et autres grands noms qui ne déclarent pas nécessairement tous leurs avoirs. Bon, peu importe, c'est vrai que si on devait maintenant changer les règles de la démocratie et choisir au hasard dans la population un ministre des Finances, un ministre de l'Enseignement, un ministre de la Culture, là on arriverait à un autre système où on n'a plus de politiciens professionnels, quoi. Mais bon, ça on verra le 14 octobre prochain, déjà au niveau communal, comment ça peut bouger. Mais c'est surtout la veille au soir, c'est le 13, le samedi 13, on vous retrouve où, Alain et mais vous êtes et tous les camarades. Le bienvenu à la salle de Kerker, qui se trouve au numéro 23 de la chaussée de Floriat, à XL. Donc, c'est dans le bas, ça, c'est tout réfléchi. C'est en bas, c'est effectivement tout... dans le bas de la chaussée de Floriat, juste à côté de la place Flaget. Mmh. Et donc, nous invitons à venir. Donc, à partir de 18h, nous faisons un festival de pâtes pour qu'on puisse se sustenter. Pâtes à volonté. Pâtes à volonté, pour un prix très démocratique de 10 euros. Okay. Et 5 euros pour les enfants donc, qui accompagneraient leurs parents. Et donc, avec une boisson aussi, les bénéfices de cette soirée iront pour l'aide à tous les camarades qui sont en lutte contre et qui ont des problèmes de harcèlement et tout ça, et qui ont besoin d'un soutien financier éventuel pour les aider dans la lutte. Mmh. Parce que les soucis, quand on se retrouve dans des situations comme ça, c'est que il n'est pas toujours facile de se défendre soi-même. Et quand on a besoin d'une aide technique, de spécialistes et tout, ben, malheureusement, nous vivons dans un monde où, pour se défendre, il faut payer. Et donc, nous faisons ça uniquement pour pouvoir, dans le cadre des luttes de toutes les personnes qui ont des problèmes, au départ... Évidemment, en fonction de la quantité disponible, évidemment, nous essaierons d'abord de le faire peut-être dans un cadre local, mais rien n'empêche, si le mouvement atteint une ampleur fantastique, de pouvoir aider l'ensemble de la population belge qui se trouverait en problème de burn-out ou de difficulté. C'est une chouette façon, effectivement, de faire de la RTAP. Foncez tous à la CGSP. Là, mais c'est parce qu'à l'image des télétons, ce que vous êtes un peu en train de faire, c'est la preuve qu'il n'y a pas assez d'argent fédéral pour la recherche scientifique et médicale. S'ils ne devaient pas organiser ce genre de téléthon pour avoir des fonds en plus, effectivement, ça irait bien. Donc, il y a tellement de problèmes de mal-être au travail que même les cotisations des affiliés ne suffisent plus. Il faut chercher des sous par soi-même. Oui, mais je dois dire que c'est beaucoup une initiative locale qui vient vraiment... au départ, nous l'avons fait vraiment en mémoire de Philippe, qui était prêt à aider tout le monde. Et nous n'avions pas d'ambition gigantesque. Nous n'avons pas d'ambition gigantesque quand nous avons décidé de faire cette soirée, parce que la volonté était clairement de rendre un hommage à notre ami. Et si, par la même occasion, nous pouvons... aider d'autres personnes qui en auront besoin, mais voilà. Mmh. C'est pour ça que nous ne désirons pas faire ça vraiment spécialement dans le cadre du syndicat, c'est-à-dire que c'est plus une initiative locale qu'une demande fédérale ou autre, et d'ailleurs il n'y en a pas eu. C'est vraiment une initiative quelque part citoyenne, d'un groupement de citoyens qui désire... rendre hommage à un autre citoyen et à un collaborateur, un ami. Et si par ce biais on peut aider d'autres personnes, mais voilà, nous voulons pouvoir le faire et essayer de pouvoir faire quelque chose pour le faire. Ouais. Et comme je l'écrivais dans mon mail pour vous inviter c'est d'aller sur arte.tv maintenant. Si vous l'avez loupé mardi dernier, il y avait un thème sur le temps, c'est de l'argent. Et c'est effarant de voir ce que cet endoctrinement arrive maintenant à faire. Enfin, on est parti bêtement du fait, un petit résumé, mais c'était marrant, parce que pour traverser les États-Unis avant en train, il fallait changer 200 fois sa montre. Chaque petit village avait son fuseau horaire et il y avait des tableaux dans chaque gare à 50 km les unes des autres qui disaient, voilà, Princeton, il faut faire plus de Miami, il faut faire moins 5, etc. Et donc, il y a eu tellement d'accidents, de collisions de trains quand il n'y avait encore qu'une seule voie, qui se sont dit, bah, ok, on va uniformiser, standardiser le comptage du temps. Et puis après, il y a eu un autre bonhomme dont j'oublie le nom, horrible, mais qui observait ses enfants et qui leur disait, voilà, tu peux faire l'invention du taylorisme. Juste avant Ford, c'est lui qui a donné tous les plans à Ford. Et que là, maintenant, on est dépassé par cette capacité un peu suisse de calculer tellement bien le temps, de savoir à quel point une seconde peut rapporter 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Ouais, je veux dire, eh bien non, le temps, ce n'est pas de l'argent. C'est l'argent qui est du temps maintenant. Mais voilà. Mais donc, le thème d'Arte, si vous avez l'occasion de tomber dessus avant de venir samedi prochain manger un bon florilège de pâtes au Kerkhof, j'ai oublié le nom. De Kerkeer. Donc au 23 chaussée de Floriat, ouais. À côté de la place Flaget. Donc ouais. Vous êtes tous le bienvenu. Si pour des questions de facilité, peut-être d'organisation, si les personnes voulaient bien envoyer peut-être un petit mail à la déléguée permanente de la section d'Ixelles, donc à nadine.segers, S-E-G-E-R-S, @ixelles.bruxelles, afin que nous ne soyons pas en manque de nourriture pour chacun et chacune. Okay, donc voilà. ça a lieu samedi prochain concrètement, donc confirmation avant milieu de la semaine, quelque chose comme le ça. Plus tôt sera le mieux. Le plus tôt sera le mieux, on va mettre une deadline à vendredi au plus tard. Oui, voilà, pour que nous ayons le temps de nous adapter à des faire les courses. D'accord. Et est-ce qu'il y a des... Je ne connais pas la salle, je ne suis jamais allé. Est-ce qu'il y a du matériel de projection? Projection, non. Il y a du matériel audio. Mm-hmm. Ça, oui, il y a donc un système audio de la salle, mais de projection, non. Mm-hmm. Parce qu'il y a ce petit reportage que notre ami Pixel de Source, ici même, et Bram ont fait sur Philippe à la bibliothèque. Et voilà, il disait qu'on pouvait le diffuser dans un coin, même silencieusement. Tout à fait. On n'aura pas le temps de faire les sous-titres pour pouvoir le lire et le comprendre silencieusement. Mais éventuellement mettre un casque ou deux dans un coin. Ou en tout cas la rendre disponible sur clé USB. Donc les gens qui viendront samedi prochain prennent 10 euros par personne pour boire, manger, rigoler, partager, et une clé USB avec elle. Et, ça, c'est toujours bien. Il faut toujours avoir une petite clé USB. C'est toujours bien d'avoir une petite clé sur toi, oui. Oui, tout à fait. Non, voilà, parce que c'est ce qu'il dit est effectivement assez juste. Et c'est, je ne sais pas exact, je m'enseigne, je me demandais quand a été faite cette vidéo. C'était en hiver l'année passée, mais je ne sais pas. Okay. À mon avis, c'est aux alentours des fêtes, quelque chose comme ça. Donc, aussi, ce qu'on avait convenu tout à l'heure, c'est que bon, la CGSP est particulièrement attentive à tout ce qui est problématique du burn-out. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des témoignages aussi qui vont dans ce sens-là ou que vous avez tout simplement envie d'en parler. Parce qu'on réunit de l'information, on essaye d'affiner les choses. Et donc voilà, ce sera l'occasion d'en parler de manière plus ludique, plus décontractée, on va dire. Et en dehors de l'action de la CGSP, est-ce qu'il y a d'autres instances dans Bruxelles, dans la Belgique, où on peut aller se confier en cas de harcèlement, en cas de problème, de pression sur le lieu de travail? Est-ce qu'on a une cellule comme SOS suicide, SOS viol, SOS... Ouais, un peu ce format-là. Sous ce format-là, je ne suis pas sûr. Maintenant, toute personne qui a des problèmes de harcèlement et tout peut contacter la médecine du travail afin d'être renseignée sur ce qui se passe et avoir un soutien au niveau de la médecine du travail. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde et donc ce sont des instances qui sont en général en dehors du cadre direct du travail. Donc l'accès est ouvert à tous. Il y a plusieurs, en fonction de l'endroit où on se trouve, évidemment, la médecine du travail à plusieurs départements, enfin, dépend de plusieurs sociétés, tout ça, mais c'est quelque chose auquel, normalement, tout le monde a accès dans son lieu de travail, dans son milieu du travail, et voilà, il faut, je pense que le mieux, c'est de se renseigner en fonction, évidemment, du lieu où on se trouve, qui est le représentant de la médecine du travail. Dans les communes, ça peut être une société avec un contrat... renouvelé. C'est plus lié à l'endroit où on habite ou plus lié à l'endroit où on travaille ? À l'endroit où on travaille. Où on travaille. Donc, ça peut être des sociétés qui ont des contrats de marché public ou autre. Donc, ce sont des sociétés extérieures qui s'occupent de la médecine du travail en général, mais qui peuvent tout à fait prendre en charge des problèmes de harcèlement, de burn-out et tout. Okay. Et voilà, maintenant... je pense que l'ensemble des syndicats, j'espère en tout cas, chez nous c'est quelque chose auquel qu'on a à cœur, j'espère que l'ensemble des syndicats peuvent se faire le relais aussi de leur côté pour pouvoir soit s'occuper de ces problèmes en fonction des affiliés de chacun, mais voilà, nous je sais qu'on est très ouverts à l'ensemble des personnes qui ont des problèmes à notre niveau évidemment, et voilà, si on peut se faire le relais au moins d'une information pour que la personne puisse trouver une aide quelque part, eh bien, elle sera le bienvenu. Mmh. Ok, oui, tout à fait, oui, parce que c'est, il faut voir aussi en chemin pour voir si Monsieur Bracklin a bien retiré la pression psychologique des fameux 4 critères de pénibilité au travail, parce que sinon, ça n'a plus de sens d'aller à la médecine du travail pour dire je subis des pressions, il y a du harcèlement sur le lieu de travail, mais c'est psychologique. Mais si ce n'est plus considéré comme un délit, enfin. Mais pourtant, il existe des arrêtés royaux qui ont été mis en place pour protéger les personnes, justement, pour ces problèmes de harcèlement et donc de burn-out et tout. Et donc, la loi existe déjà depuis 2014. Donc, il n'y a pas de raison qu'on le retire tout soudainement, comme ça, de la loi. Maintenant, malheureusement, je ne suis pas sûr que le gouvernement actuel soit à une idée farfelue près, pour parler gentiment. mais voilà, sinon, il risque de nous parler de la pénibilité d'être ministre. Oui. Ce sera encore pire qu'être enseignant. Tout à fait. Hein? C'est très, très pénible d'être ministre. Surtout quand on peut encore cumuler ça avec d'autres, d'autres travaux, enfin d'autres rentrées, parce qu'on travaille dans d'autres milieux encore à côté, comme beaucoup de nos ministres, et qui ne sont pas... avec les mêmes restrictions que si vous êtes un employé du fédéral ou des communes ou ailleurs, ou quand vous obtenez un mandat, ben vous êtes mis en disponibilité, et donc ce salaire vous est retiré, mais si vous travaillez dans le privé, vous pouvez gagner autant d'argent et prendre autant de temps que vous voulez pour travailler dans le privé en cumulant l'argent donné par l'État, donc c'est-à-dire par les citoyens. Ce qui fait une différence qui peut être très notable. Mais ça a quand même eu un effet positif, tout ce débat sur la pension à points ou sur la pénibilité du travail, c'est que les syndicats enseignement du Nord et du Sud de la Belgique sont copains, main dans la main, pour effectivement se rendre compte. Enfin, voilà, si le métier d'enseignant n'est pas repris dans la fameuse longue liste de tous les métiers à pénibilité avouée, reconnue et avérée, ils disent, ben voilà, donc tout le problème de pension passera. Enfin voilà, ça c'est un petit débat technique, mais au moins ça a soudé la Belgique, ce problème de pension. Merci M. Bracklin, vous êtes chouette quand même. Je pense qu'à un moment, il faut aussi se rendre compte de la vie sur le terrain pour l'ensemble des personnes qui travaillent, et que M. Bracklin vienne pendant un mois ou deux, à 67 ans, courir après des voleurs que les policiers doivent poursuivre ou remplacer le carreleur qui fait des sols toute la journée. Ouais, ça, nous en reparlerons. ou mettre trop tôt à la pension ou écrémer le personnel du ministère des Finances qui était en charge de trouver les plus grosses fraudes, hein, vas-y. Fiscales, oui, oui. Voilà, il y a ce problème-là aussi. Bien, nous arrivons à l'issue de notre émission. Merci Alain d'être venu nous partager ces moments fort courts que vous avez eus avec le camarade Philippe Hubot. Merci, oui. Denis, pour... toujours un plaisir. J'espère lui avoir bien rendu hommage. Mais tout à fait, écoute, pas de souci. On verra en tout cas que le samedi 13, tout le monde sera à la salle de Kerker et aura d'abord envoyé un mail à Simone Segers. Nadine.segers@xl.brussels. Un petit peu comme nous, on a aussi notre adresse en SRC pour source. Brussels. Et ce sera bientôt, donc l'émission sera mise sur le site. Très chers vous tous, très chers vous toutes, sachez que si vous avez envie de passer au libre, eh bien ce dimanche au Ripper Café d'Elzenhof, au 12 avenue de la Couronne, sur le tout près de la place Bicart, eh bien il y a moyen de voir un petit peu que vous pouvez libérer vos ordinateurs vous-même aussi. Voilà, c'est une forme de nouveau syndicalisme. Et je dirais que voilà, pour se quitter, on va voir encore un petit moment de Philippe qui clôturait sa communication avec Pixel et Bram. Comprendre le numérique. On se retrouve dans 15 jours. À tout bientôt. Merci. Je t'entends pas mal parler à toutes les personnes avec qui tu rencontres, les gens que tu accueilles, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes de moments où tu as par exemple formé des gens, où tu as fait découvrir le livre aux gens, des choses comme ça qui sont assez bien passées? Alors là où j'ai mis beaucoup d'énergie, et ça c'est parce que c'est mes anciens amours avec le monde de la musique et du son, donc j'ai créé un atelier de musique électronique qui est un peu une niche, dans le sens où on travaille des logiciels équivalents aux studios professionnels, comme Pro Tools, pour ne pas le citer, et nous on travaille donc avec l'équivalent Harbour. J'ai eu la chance d'attirer ici des personnes très, très pointues comme Eamon Tobin, qui est chanteur, compositeur et grand utilisateur du Libre, qui vient de mixer son deuxième CD. Donc il a fait partie du projet, Denis est venu aussi, on a eu à peu près une soixantaine de personnes en 2 ans qui sont venues très régulièrement aux ateliers. Et là, par exemple, l'anecdote, bien, c'est des personnes en production, on avait fait à un moment donné 3 lundis. Donc, en journée, on ouvrait nos ateliers ici. J'ai pu avoir aussi un ingénieur son qui vient de Waterloo, qui avait son propre studio sonore. On a donné cours à 3, pour à peu près une bonne dizaine de personnes qui étaient en production. Donc des gens qui travaillaient par exemple dans le milieu du théâtre, dans le milieu de la post-production sonore. Et il y a quelqu'un qui venait de Comines, donc près de Lille, et qui au fur et à mesure des ateliers a trouvé un emploi. Grâce à l'atelier, moi j'étais très fier, parce qu'il était venu avec un projet audio, qu'il a pu mixer un peu mieux à Cardour. On l'a aidé aussi à paramétrer sa machine, optimiser avec les dépôts repos historiques AX Studio, qui sont les meilleures sources pour avoir, par exemple, Ardour 5, qui est extrêmement stable et qui est vraiment très puissant. Voilà, ça c'est un exemple, pour moi, une vraie réussite que j'ai pu expliquer à ma direction, puisque, à un moment donné, mes supérieurs, pas direct, mais plus haut, m'ont dit, tiens, est-ce que c'est pas un peu réduire la fracture numérique, ton boulot? Donc on s'attend à quoi? Demandeurs d'emploi, des gens du CPS qui sont les bienvenus et qui sont déjà là. Ici, on a la mixité des publics qui fait notre force. On a aussi des gens qui viennent pour leur plaisir dans le milieu livresque, mais qui peuvent aussi venir le payer. Et moi, je fais le pari qu'aujourd'hui, un artiste bruxellois, pour moi, c'est quelqu'un souvent qui est à moitié au chômage, qui est en colocation, qui n'a pas forcément de moyens et qui a peut-être le droit aussi aux outils numériques démocratiques et qui n'a peut-être pas les moyens de s'acheter du logiciel propriétaire ultra coûteux pour faire un mix musical. Donc, je pense que les supérieurs ont compris l'argument, et moi je défends cette idée. C'est quelqu'un, forcément, un artiste qui est chez Smart, qui est en chômage, qui se débrouille, mais qui a une passion de vie, de création. Et donc, c'est cohérent, bien sûr, pour moi, d'accueillir aussi des gens qui ont peut-être une apparence moins d'être quelqu'un dans l'urgence. Mais je peux te confirmer que des artistes à qui on boit un verre et parfois ils n'ont pas de quoi payer leur bière, ça existe aussi. Donc je fais ce pari-là qu'aujourd'hui à Bruxelles, c'est très cohérent, de proposer pour tous, et pas, parce que c'est un peu le reproche que je fais peut-être à d'autres démarches, on va dire, de réduction de la fracture, c'est d'avoir un peu catalogué les gens. Alors que non, aujourd'hui tout le monde peut être en fracture, et être en fracture numérique c'est quoi? C'est peut-être ne pas savoir où se situent tes données. Comme le dit très bien Jérémy Zimmermann, aujourd'hui on parle d'analphabétisme numérique dès l'instant où tu vas dire à quelqu'un, tu as ton smartphone, ok, tu es en train d'enregistrer une donnée, très bien, où est-ce qu'elle est ta donnée? Ouais. Dans ta carte SD ou sur un nuage? le cloud. Mmh. Ah, je ne sais pas. Eh bien, c'est peut-être ça l'analphabétisme aujourd'hui. Ah, alors, si ça veut dire qu'il est dans un cloud, qui gère ce cloud, comment ça se passe? Donc là, je renvoie vers Neutrinet, évidemment. Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs. Personne n'a du pouvoir sur personne. Fraternité. Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.